c'est la planète de tous les fantasmes. Des martiens agressifs qui détruisent la Terre en tripode dans la guerre des mondes d'H.G. Wells, à l'épopée solitaire d'un astronaute oublié sur la planète rouge dans Seul sur Mars depuis que l'homme a posé le pied sur la Lune. Son rêve est d'aller un cran plus loin dans le système solaire, sur la planète rouge qui a peut-être vraisemblablement abrité une forme de vie il y a quelques milliards d'années, pour l'explorer, voire la coloniser. Mais d'un nom ce rocambolesque en projet mirobolant, l'être humain est-il vraiment prêt à aller fouler le sol martien ? Prochain arrêt Mars, c'est le problème qui est le nôtre et que nous allons tenter de résoudre dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour démêler le bon grain de l'ivraie dans les multiples projets de conquête martienne, nos explorateurs du jour sont Christophe Lasseur. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avec nous en duplex depuis les studios de nos camarades de France Bleu Normandie à Caen. Vous êtes coordinateur des activités support vie de l'ESA, directeur du projet Mélissa qui a pour objectif l'étude des supports de vie autonomes. On va en reparler dans quelques instants. Et nous sommes ici en studio à la Maison de la Radio avec François Forget. Bonjour. Bonjour. Vous êtes planétologue, directeur de recherche CNRS au laboratoire de météorologie dynamique. Vous pouvez, comme chaque jour, ne pas changer de bonnes habitudes en 2018 et nous suivre en direct sur les ondes et en parallèle sur notre fil Twitter, @laméthodefc. Alors depuis quelques mois, voire quelques petites années, disons, à défaut d'une course à la Lune similaire à celle initiée dans les années 60, on assiste à une course à l'annonce pour ce qui est d'un voyage habité vers Mars, du côté des agences spatiales d'une part, mais également du côté du secteur privé. Écoutez. Je suis confiant. Je crois que nous serons prêts pour un premier lancement dans 5 ans. Le vaisseau sera composé de 40 cabines, avec 2 à 3 personnes par cabine, donc au total une centaine de personnes dans ce vol pour Mars. Voilà, vous avez peut-être reconnu la voix d'Elon Musk, patron de Tesla et de SpaceX, qui ne cesse d'annoncer un voyage vers Mars. Il y déploie beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent également. Il dit d'ici 5 ans, l'archive date de 2011, d'ici 2022, pardon. Qu'est-ce que vous en pensez, 2022, un voyage habité sur Mars, François Forget, c'est crédible, c'est envisageable ? Alors non, c'est pas envisageable. La date elle-même est pas envisageable parce que même en le temps de tout développer les différents systèmes nécessaires pour une telle mission, même si elle est faisable, c'est pas comme voyager dans le temps ou aller vers les autres étoiles, c'est faisable. Par contre, il faut beaucoup de travail d'ingénieur, donc rien que ce temps-là est nécessaire. Pour le coup, par contre, Elon Musk est très fantasque, etc. Mais il est quand même crédible par rapport à beaucoup d'autres projets qu'on va peut-être évoquer aujourd'hui. Il est quand même crédible, donc il faut prendre un petit peu sérieusement toutes ces idées, même si il n'a pas non plus les moyens pour développer tous ces projets. Enfin, il y a quelque chose de sérieux derrière, malgré tout. Christophe Lasseur, qu'en pensez-vous 2022 ? Non, 2022, je crois qu'effectivement, c'est pas réaliste. Il reste encore énormément de travail à faire, notamment autour des sciences du vivant. Sur la partie lanceur, je pense qu'il y a des capacités qu'on a aujourd'hui et les progrès qui ont été faits, les déclarations d'Elon Musk sont relativement raisonnables. Mais sur la partie humaine, je crois qu'on est encore loin d'être capable de partir. La NASA annonce, plus ou moins, alors ça dépend, c'est un peu fluctuant, mais en tout cas donne comme horizon 2030, 2035, parfois 2032. Ça vous paraît plus raisonnable, Christophe Lasseur ? Alors c'est la question piège de mettre une date sur l'arrivée. Je dirais qu'aujourd'hui, quand même, si on voit les progrès qui ont été faits ces 20 dernières années, et ce qu'il nous reste à faire, je pense que 2035, c'est encore très tôt. Les stratégies qu'on voit aujourd'hui, au moins pour les grandes agences spatiales, ne sont pas directement dirigées vers Mars, puisqu'elles passent d'abord par une activité en orbite cislunaire, un point de Lagrange autour de la Lune. Et là, effectivement, le temps de développer toutes ces technologies, tous ces systèmes, d'apprendre dans un environnement que je qualifierais pseudo-martien, on est déjà pour une quinzaine d'années au minimum. Donc ça veut dire qu'on peut commencer à développer, si on a bien travaillé, au minimum dans 15 ans. Vous voyez, on est encore bien loin d'être prêt pour 2035. Quoi. Qu'est-ce qui différencie cette conquête de Mars, ou cette conquête, ou en tout cas un vol habité vers Mars, de l'aventure lunaire des années 60 hein. Kennedy annonce en 61, d'ici la fin des années 60, on enverra un homme sur la Lune. 69, le pari est tenu. Pourquoi est-ce que c'est plus compliqué à ce point-là, François Forget ? Alors, la première raison est très basique, c'est que quand Kennedy a fait ce pari, il a associé à cela, dans un contexte de guerre froide, des moyens énormes. En fait, il a fait augmenter le budget de la NASA de l'ordre de 4, enfin plusieurs pourcents du budget fédéral américain, ce qui était considérable, 4% presque, alors que les réflexions qu'on mène actuellement ne se basent pas sur l'espoir qu'un nouveau Kennedy va mettre autant d'argent dans ce projet. On se base sur un budget constant, c'est-à-dire 1,5%, le budget de la NASA typiquement c'est de l'ordre de 20 milliards de dollars par an, c'est pas mal, hein, c'est rien par rapport à l'armée américaine, mais c'est quand même pas mal. Et donc dans ce budget constant, eh ben, on est obligé de payer des ingénieurs pour développer ces futurs projets, et ça prend énormément de temps. Si on était capable de multiplier le budget de la NASA par 5, voire 10, eh bien tout d'un coup on aurait plein d'argent pour payer les ingénieurs et ça irait beaucoup plus vite. C'est la principale différence, parce que en réalité, aller sur Mars en 2018 n'est pas plus difficile que de prévoir d'aller sur la Lune en 1961. Vous pensez aussi, Christophe Lelasser, que, comme souvent, en termes de recherche, qu'elle soit d'ailleurs en physique, en astrophysique ou dans n'importe quel secteur de la recherche, c'est une question d'argent avant tout ? Je ne suis pas complètement convaincu. Évidemment, si vous augmentez les budgets, vous allez accélérer, ça c'est clair. Je pense quand même qu'il y a des connaissances aujourd'hui qu'on n'a pas, notamment les sciences du vivant. Le comportement humain face aux radiations, les risques qu'on va accepter de prendre, la distance est énorme. Effectivement, tout ça fait que aujourd'hui, il y a un travail de science avant un travail d'ingénieur. Et ce travail, il prend du temps. Effectivement, plus il y a d'équipes, plus vous avez de budget, plus vous allez accélérer. Mais il y a un minimum de temps à prendre. Nous, on travaille aujourd'hui notamment sur des plantes, des microalgues. Vous pouvez accélérer, mettre plus d'argent sur la table. Votre chou-fleur poussera pas plus vite. Donc, Est-ce que peut-être, avant d'envisager justement ces contraintes dont on va parler tout au long de cette heure, qu'il s'agisse des lanceurs, des conditions de vie dans l'espace, de l'effet des radiations sur le corps humain, notamment avec quelques études récentes qui viennent encore effectivement un peu refroidir ou doucher les espoirs d'un voyage prochain, peut-être peut-on faire un petit rappel des différentes missions, pas l'historique entier François Forget, mais en tout cas principalement des obstacles qui font qu'aujourd'hui, finalement, il y a une seule nation qui a réussi à poser un véhicule effectivement sur Mars, ce sont les États-Unis. Oui, c'est vrai. je vais pas retourner le couteau dans la plaie parce que vous avez travaillé sur ce qui apparaît là. Oui, oui. On a perdu le contrôle. Et puis auparavant sur Beagle 2. Donc, certain nombre de nations ont essayé on parle là bien de poser un atterrisseur ou un rover, un robot à roulettes sur la surface. Il y a pas mal de nations qui ont réussi à mettre des satellites en orbite qui marchent très bien. En plus des États-Unis, donc l'Europe, les Russes, les Indiens, etc. Puis il y a plein d'autres projets dans les cartons. Pour ce qui est d'atterrir, effectivement, c'est difficile de poser des atterrisseurs sur Mars. Donc, les Américains ont réussi à de nombreuses reprises. Il y a eu des échecs aussi. Mmh. Et puis, côté russe, il y a eu pas mal de tentatives, surtout dans les années 70, qui ont aussi connu des échecs. Mais il y a eu un atterrissage à moitié réussi, mais l'instrument s'est arrêté au bout de 30 secondes à peu près, à la surface. Et puis, côté européen, on a fait deux tentatives en fin 2003, avec une petite sonde essentiellement développée par les Anglais qui s'appelait Beagle 2, qui s'est posée avec un certain succès. On l'a vu depuis, mais elle a été cassée. En gros, à l'arrivée. On l'a perdu pendant longtemps, on l'a retrouvé il n'y a pas très longtemps. Oui, on l'a retrouvé grâce à une caméra. Depuis l'orbite, il y a plusieurs satellites d'observation, dont un qui a une caméra ultra haute résolution. Et on a réussi à retrouver sur cette immense planète Mars, qui est quand même si c'est un peu plus petit que la Terre, c'est quand même grand. On a réussi à prendre une photo de l'engin posé à la surface. Donc la moitié de ses panneaux solaires sont bien déployés, il n'a pas du tout explosé, mais il n'a pas fonctionné. Quoi. Et puis donc, l'année dernière, effectivement, on avait le projet de déposer un autre engin qui s'appelait Scaparelli, qui faisait 600 kg à l'entrée dans l'atmosphère, c'était pas énorme. Hein. Et bien lui, par contre, il s'est écrasé. C'est-à-dire qu'il y a eu un dysfonctionnement. Je ne vais pas revenir sur les détails, mais il s'est bien écrasé à la surface. On peut rappeler juste que ce sont les moteurs qui sont allumés un peu trop tôt, les moteurs de ralentissement de l'appareil. Je ne sais pas si je peux rappeler juste, ce que je peux juste dire, c'est qu'en gros, il y a eu comme toujours dans les problèmes spatiaux, il y a eu un ensemble de problèmes qui se sont réunis pour faire échec à cette mission. Et pour faire très simple, un des capteurs d'orientation de la sonde pendant la descente a un peu dysfonctionné. Il a fourni une information erronée à l'ordinateur, qui lui, bien sûr, l'ordinateur dans le monde spatial est prêt à gérer des informations erronées. Mais malgré tout, cette information erronée est parvenue jusqu'au radar d'altitude, qui a donc pris en compte, qui a mal compris l'orientation de la sonde et qui a donc décidé, comme il, si vous voulez, il compensait l'angle de visée de entre le radar et la sonde. Comme il y avait une mauvaise information, il a cru qu'il était sous terre et donc l'ordinateur a dû allumer les moteurs, les éteindre, prévoir l'atterrissage. Bref, il s'est écrasé. Christophe Lasserre, un mot pour dire aujourd'hui quelles sont les missions qui fonctionnent, qui sont encore en cours sur Mars, à la fois sur le sol martien et en orbite martienne. La mission principale, effectivement, c'est Curiosity. C'est ce rover qui fait à peu près 900 kilos, qui est là-bas depuis déjà presque 5 ans, et qui collecte des informations extrêmement cruciales pour pouvoir mieux comprendre Mars. Je suis sûr que François Forget pourra élaborer un peu plus là-dessus. Mais ce qui nous importe, effectivement, c'est la qualité du sol, la qualité de l'air, de façon à mieux comprendre toutes les ressources potentielles qu'on pourrait utiliser si on veut installer une vie humaine ou une base martienne. Ces différents robots, ces différents satellites, ils cherchent évidemment à comprendre. Ils ne font pas que préparer la venue de l'homme sur Mars, ils y contribuent, ils cherchent aussi à comprendre la structure de la planète, sa géologie, son histoire. Oui, je vais quand même compléter la réponse. Mars est quand même une planète qui est bien explorée. Vous avez actuellement en fonctionnement, en orbite autour de Mars, six engins, six satellites. Alors, je ne vais pas énumérer, vous avez trois Américains, deux Européens, Mars Express et le Trace Gas Orbiter du programme ExoMars 2016. Et puis, un satellite indien, Mangalayaan. Il y a plein d'autres projets dans le carton. Et puis, à la surface, vous avez, encore une fois, pas mal d'atterrisseurs. La plupart sont maintenant ne fonctionnent plus, mais il en reste deux en fonctionnement, deux rovers. Donc, Curiosity, qu'on a parlé à l'instant, et un autre engin qui s'appelle Opportunity. Et l'objectif de toutes ces missions-là est avant tout scientifique. C'est-à-dire qu'on mène vraiment une enquête sur la planète Mars actuelle, comprendre comment elle fonctionne, le climat, notamment dans un esprit de planétologie comparée, c'est-à-dire en étudiant Mars, mieux comprendre comment fonctionne la Terre. C'est un peu comme en médecine, on étudie les autres animaux pour comprendre comment fonctionne le foie, le poumon, etc. Donc on fait ça pour Mars. Et puis aussi, une des grandes motivations d'étude de la planète Mars, c'est le fait, vous le savez tous, qu'il y a plusieurs milliards d'années, Mars était une planète tout à fait différente d'aujourd'hui, qui avait actuellement elle est très stérile, disons, en tout cas aride. Et il y a quelques milliards d'années, il y avait des lacs et des rivières. Et beaucoup des engins, notamment les robots à la surface, sont des robots géologues qui mènent l'enquête sur les archives géologiques de cette autre planète Mars pour voir ce qui s'est passé, est-ce que ça a été propice à la vie, etc. Donc voilà ce qui nous motive à explorer Mars et c'est l'objectif numéro un. Et c'est vrai que dans ces missions-là, de temps en temps, on ajoute un petit instrument qui a aussi pour objectif de préparer les missions humaines. Par exemple, des instruments qui vont mesurer les doses de radiation, je dirais prosaïquement, financé par le programme d'exploration humaine. Ou alors, par exemple, sur le prochain rover du type Curiosity qui s'appelle Mars 2020, qui part en 2020, vous avez un petit engin qui va, un démonstrateur, qui va servir à essayer de fabriquer de l'oxygène à partir de l'atmosphère de Mars, qui n'est pas riche en oxygène, qui est essentiellement composé de CO2. Donc vous avez un petit réacteur chimique qui va prendre le CO2 et hop, produire de l'oxygène, le tout pour préparer les missions humaines. Et bien justement, pour comprendre comment ces appareils servent à préparer, à envisager le futur voyage de l'homme vers Mars, et bien nous sommes allés voir, comme souvent dans les laboratoires, comment ça se passe. Et bonjour Céline Lezen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes rendu au Latmos à Guyancourt, non pas pour savoir comment faire pousser des patates sur Mars, ça, il y a un film qui nous renseigne, même si c'est pas tout à fait vraisemblable, mais pour constater l'avancement de l'une des plus importantes expériences d'analyse martienne. Oui, avant de songer à habiter Mars, encore faudrait-il l'étudier. L'expérience en question s'appelle SAM pour Sample Analysis at Mars. Il s'agit, dans la lignée de ce qui a déjà été fait avec Curiosity, d'analyser le sol martien pour y repérer des molécules organiques. Jean-Yves Bonnet, ingénieur de recherche, a mis au point une méthode de chromatographie en phase gazeuse pour comprendre la chimie prébiotique qui se cache dans les roches superficielles. Le rover Curiosity, ça fait 5 ans et demi maintenant qu'il est dans les environnements martiens. Il s'est posé dans le cratère Gale, qui est un cratère d'impact qui fait 150 km de diamètre, et au centre duquel se trouve une montagne qu'on appelle le Mont Sharp, qui est constituée de différentes couches de roches empilées les unes sur les autres. Et comme le but de la mission, c'est de reconstituer les différents environnements qui se sont succédés à la surface de Mars, pour essayer de montrer que s'il y a une époque de son histoire, la planète Mars avait été habitable, avoir accès à cet empilement de couches de roches, ça fait en fait comme un sort de livre d'histoire géologique. Donc en allant analyser la composition de ces roches et la façon dont elles sont organisées, on peut reconstituer les environnements passés de la planète Mars. Donc le laboratoire de chromatographie en phase gaz du Latmos, c'est l'endroit où on fait les analyses de molécules standards pour nous aider à interpréter les données qui reviennent de Mars. Et c'est aussi un endroit où on a une réplique du chromatographe en phase gaz qui est embarqué à bord de l'instrument SAM, qui nous sert à faire des mesures de calibration et à reproduire des expériences en conditions les plus proches possibles de ce qu'on peut faire à la surface de Mars. Comment le prélèvement s'effectue des roches martiennes? Est-ce qu'il y a toute une chaîne de prélèvement, de mesures, de traitement, d'analyse? Alors l'instrument SAM, il ne fonctionne pas tous les jours, parce que c'est un instrument qui consomme énormément de ressources, notamment énergétiques, sur le rover. Donc pour le mettre en route, ça va être en fait le dernier maillon de la chaîne analytique du rover. On commence d'abord par prendre des images pour avoir une idée de l'organisation des couches de roches les unes par rapport aux autres. Ensuite, on va faire des analyses chimiques avec ChemCam et avec un instrument qui se trouve au bout du bras qui s'appelle APXS. Et puis, si ces résultats nous montrent que les roches qu'on a en face de nous sont intéressantes, on va activer les instruments suivants. Donc, on va pouvoir prélever l'échantillon soit avec une sorte de petite pelleteuse si on veut analyser le sable d'une dune, par exemple, soit avec une sorte de petite foreuse qui va pouvoir permettre de faire un trou d'à peu près 6 cm de profondeur. On récupère la poudre qui est générée pendant le forage et on va pouvoir la livrer dans deux instruments qui sont à l'intérieur du corps du rover qui s'appellent Kemin, qui lui va nous donner la minéralogie de la roche, et SAM, qui lui va nous permettre de faire des analyses chimiques plus poussées que ce qu'on a pu faire avec les instruments précédents. Donc ce qu'on voit là derrière vous, c'est la cuve à vide dans laquelle se trouvent les 6 colonnes chromatographiques qui sont embarquées à bord de SAM sur Mars. Donc on a les répliques de ces colonnes dans cette cuve. Cet instrument, il a pour but d'analyser l'atmosphère et les roches et le sol de la planète Mars pour essayer de déterminer si, à une époque de son histoire, la planète Mars a été ce qu'on appelle habitable. C'est-à-dire, est-ce qu'il y avait les conditions qu'on pense être nécessaires à ce qu'une forme de vie puisse apparaître? Donc c'est un chromatographe en phase gazeuse, c'est-à-dire qu'on va essayer d'identifier par une méthode de séparation les éléments chimiques dans les roches superficielles. Le but de ce chromatographe, c'est effectivement de séparer les différents constituants qui composent l'échantillon, qu'on a fait passer de l'état solide à l'état gazeux en le chauffant jusqu'à 1000 degrés Celsius. Il y a deux fours qui sont embarqués à bord de l'instrument SAM qui nous permettent de chauffer donc les échantillons solides jusqu'à 1000 degrés Celsius pour les faire dégazer tous les composés volatiles et qu'on peut ensuite analyser derrière avec les différents instruments qui sont embarqués, dont le chromatographe en phase gaz qui a été développé ici au laboratoire. Ce que j'appelle une colonne chromatographique, en fait, c'est un tube capillaire qui fait 0,25 mm de diamètre et 30 mètres de long dans le cas des colonnes de l'instrument SAM. À l'intérieur, sur la paroi interne de ce tube, on a déposé un produit chimique. Et quand on fait rentrer à l'intérieur de cette colonne, donc d'un bout de la colonne, on fait rentrer un mélange de gaz, les différents composés qui composent ce mélange gazeux vont plus ou moins interagir avec ce produit chimique qui a été déposé à l'intérieur de la colonne. Donc s'ils interagissent très peu, ils vont passer relativement vite à travers les 30 mètres de la colonne. Mais s'ils interagissent beaucoup, ils vont mettre plus de temps à traverser les 30 mètres et du coup on va pouvoir comme ça séparer les différents constituants du mélange de gaz. Et on récupère tous les composés chimiques qui sont dégazés pendant cette chauffe et on les analyse derrière avec le spectromètre de masse, avec le chromatographe en phase gaz et avec le spectroscope laser. Alors l'instrument SAM, je ne l'ai pas dit, mais c'est le plus gros instrument du rover. Il y a 80 kg d'instruments scientifiques sur le rover, sur les 900 kg de masse totale, et SAM fait déjà 40 kg à lui tout seul, donc c'est le plus gros instrument du rover. Et le chromatographe, lui, est beaucoup plus petit, c'est une partie de l'instrument SAM, mais on a réussi à miniaturiser au maximum ce dispositif pour pouvoir embarquer 6 colonnes chromatographiques différentes. Alors pourquoi on en a embarqué 6 différentes? C'est pour pouvoir avoir un panel d'analyse le plus large possible. Chaque colonne va nous permettre de détecter ou de séparer les différents types de composés. Et donc ce qu'on a ici à l'intérieur de cette cuve, c'est ces 6 colonnes-là qui sont montées sur exactement le même support avec les mêmes câblages, etc., que ce qui a été fabriqué pour être embarqué à bord de l'instrument SAM. C'est en fait ce qu'on appelle le spare model. C'est le modèle de rechange. Si jamais il y avait eu un problème avec le modèle qu'on a livré, on aurait pu le remplacer par celui-là. Et donc comme il est à disposition, on l'utilise pour calibrer, faire des mesures, les conditions les plus proches possibles de ce qu'on fait à la surface de Mars. Donc cet instrument, il nous a permis, donc en séparant les différents composants qui sont relargués par l'échantillon pendant la chauffe, d'identifier des composés organiques présents dans les roches de Mars. Ce n'est pas des pollutions qu'on a emmenées avec nous, c'est vraiment des matériaux organiques martiens. Et c'est la première fois qu'on détecte ce type de composés organiques à la surface de Mars. Donc on a pu démontrer qu'à une époque de son histoire, la planète Mars avait été habitable, c'est-à-dire qu'il y avait eu de l'eau liquide et de la matière organique de manière concomitante au même moment. Et donc c'est également la première fois qu'on a pu détecter ça à la surface de Mars. Le reportage du jour, signé Céline Lausanne sur l'Atmos, une réaction à ce que vous venez d'entendre, ou plus généralement à ce que les différentes missions et principalement les rovers nous ont appris quant aux difficultés ou au contraire aux avantages que l'on pourrait tirer de cette planète Mars dans la perspective d'un vol ou d'un voyage habité, François Forget. On comprend beaucoup mieux Mars maintenant, il y a quelques années, et surtout par rapport aux années 60, évidemment. On voit que c'est un monde qui est à la fois très hostile, parce qu'on peut pas respirer l'atmosphère. Il faut même un scaphandre pour sortir à l'extérieur sur Mars. L'atmosphère est pas assez, la pression n'est pas assez élevée pour que, avec juste un masque à oxygène et une doudoune, on puisse se promener, malheureusement. Mais on a aussi appris qu'il y a des ressources disponibles pour les futurs humains. On peut essayer d'extraire, comme on a dit, de l'oxygène, voire du méthane de l'atmosphère. On sait qu'on peut trouver de la glace assez facilement dans un sous-sol proche, en particulier sur les pentes, au moyen de latitude, même près dans les tropiques. Donc on a une bonne idée maintenant. Et j'ai participé à quelques conférences sur la préparation de missions humaines et en tant qu'expert de l'environnement martien. Et finalement, on voit bien qu'il y a quelque chose de positif. Et puis ces missions, par exemple, on a mentionné à l'instant Sam, c'est sur Curiosity. Mm-hmm. Et comme on disait, ces différentes missions sont aussi équipées de capteurs pour préparer les missions humaines. Sur Curiosity, vous avez un détecteur de radiation. Ce détecteur de radiation a montré que la radiation qu'on reçoit sur Mars, hein, pas pendant le voyage, mais sur Mars, reste acceptable. C'est à peu près, grosso modo, c'est à peu près comparable à ce que reçoivent les astronautes sur la Station Spatiale Internationale. Alors, c'est pas tout à fait pareil, mais parce que c'est pas tout à fait les mêmes énergies, je vais pas rentrer dans les détails, mais malgré tout c'est acceptable quoi. Une fois sur Mars, surtout si on se met dans un habitat protégé. Ce sera pas une difficulté, en tout cas une fois sur Mars, voilà. Christophe Lasseur, quelles sont les principales difficultés ou les principales avantages précisément que ces missions actuelles ont permis de mettre en lumière? Ah oui, effectivement, si vous voulez préparer une mission vers Mars, il faut extrêmement bien connaître l'environnement où vous allez arriver, hein, ça paraît basique comme réponse. Mais si vous avez des ressources locales au niveau de l'atmosphère, notamment si on peut utiliser le CO2 pour produire de l'oxygène, si les gradients thermiques sont pas trop élevés, si les expositions aux radiations sont contrôlables ou si on peut se protéger, si effectivement il y a un certain pourcentage d'humidité qu'on pourra récupérer pour de l'eau. Toutes ces informations sont cruciales puisqu'en fin de compte, elles vont permettre de réduire les masses embarquées et potentiellement aussi de réduire les structures qu'il faudra déposer à la surface de Mars pour pouvoir avoir une masse martienne. Donc c'est effectivement extrêmement important de connaître cette information et de façon cruciale et de façon précise. Il n'est pas question qu'on arrive à la surface de Mars et qu'on découvre qu'en fin de compte, il y avait une erreur de calcul ou une erreur de capteur. Donc il faut effectivement que ces indices soient de très grande qualité. Et je pense que les missions qu'on a tout de suite, notamment l'exposé que vous venez de faire, montrent qu'on arrive maintenant à avoir des résultats extrêmement précis. Thank you. Il est 16h27, vous écoutez France Culture, Landed on Mars d'Atlas Bound, puisque c'est tout l'enjeu de notre émission du jour, atterrir sur Mars avec des êtres humains vivants de préférence à l'intérieur du lanceur et du vaisseau qui aura fait le trajet. Nous en parlons avec Christophe Lasseur qui est avec nous en duplex depuis les studios de nos camarades de France Bleu Normandie à Caen, qui est directeur du projet Mélissa pour l'ESA, et ici à Paris avec François Forget qui est planétologue spécialiste de Mars. Parlons donc du premier problème pour ce voyage habité, le voyage en lui-même, c'est-à-dire déjà la notion du temps, combien de temps prendra un voyage vers Mars et qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui? Est-ce qu'on a la technologie, François Forget, pour construire un lanceur qui serait capable d'envoyer des êtres humains sur Mars? Alors, le lanceur, oui. Enfin, oui et non. C'est-à-dire que pour envoyer des humains sur Mars, un équipage de 4 ou 6 personnes, typiquement dans les différents scénarios, ce qu'il faut surtout développer, c'est un vaisseau spatial capable de voyager. Donc, typiquement, l'ordre de grandeur, c'est 6 mois aller, on reste quelques jours sur place ou on reste un an et demi sur place et 6 mois retour. Et bien sûr, ce vaisseau spatial, il doit être assez gros pour que 4 ou 6 personnes puissent vivre là-dedans, avec une énorme difficulté, qui est la spécialité de notre collègue, là, pour maintenir ces gens en vie pendant tout ce temps-là, sans le ravitaillement régulier qui est opéré pour la Station spatiale internationale en orbite autour de la Terre. Ça, c'est la difficulté. Donc, il faut mettre en orbite et injecter vers Mars des masses assez importantes, des dizaines de tonnes, on va dire. Alors, est-ce qu'on a le lanceur suffisant? On peut combiner les lanceurs existants et puis faire des rendez-vous dans l'espace pour construire ce vaisseau spatial. Ce que la NASA est en train de développer, c'est un lanceur plus puissant que ce dont on dispose. Pour faire simple, le lanceur de base, typiquement sur Terre actuellement, c'est la gamme Ariane 5, c'est une vingtaine de tonnes en orbite basse. Dans quelques jours, Elon Musk va lancer une première assez grosse fusée qui s'appelle le Falcon Heavy, qui met en gros 50 tonnes en orbite basse, 50 tonnes dans l'espace. Et puis la NASA développe, un peu à l'image de ce qu'était la fusée lunaire Saturn V dans les années 60, une fusée capable de mettre 100, 120 tonnes en orbite basse. Et avec ce système-là, qui s'appelle le Space Launch System, qui est vraiment en développement, qui va vraiment commencer à être lancé à la fin de cette décennie ou début 2020, là, on aura un lanceur suffisant pour construire en 1, 2, 3 modules un vaisseau pour aller vers Mars. C'est-à-dire que de toute façon, l'assemblage se fera dans l'espace. L'assemblage final de ce vaisseau spatial pour aller sur Mars se fera dans l'espace, se fera en orbite. Avec une fusée capable de mettre 100 tonnes en orbite basse, oui, je pense que c'est nécessaire. En tout cas, pour être faire simple, c'est ce qui est prévu. C'est ce qu'on appelle... Tout ça existe dans les cartons. Dans le jargon actuel de la NASA, c'est le Deep Space Transport. Et c'est prévu de se faire par morceaux comme cela. Alors, il y a une petite alternative. On a entendu Elon Musk tout à l'heure. Elon Musk, qui donc développe déà le Falcon Heavy, qui est déjà quelque chose d'assez important, envisage maintenant de construire une fusée d'une nouvelle génération énorme, qu'il appelle le BFR. Le Big Falcon Rocket, pour être poli, parce qu'il y a aussi un acronyme moins poli, et qui là est 5 fois plus puissant, capable de mettre plus de 500 tonnes en orbite basse. Alors ça changerait la donne si on utilisait cette chose-là, mais c'est pour l'instant une idée, un concept développé sur des fonds privés, mais je crois que s'il arrive à développer cet engin-là, la NASA sera intéressée par participer. Voilà l'environnement dans lequel on travaille actuellement. Le projet d'Elon Musk étant en plus, pour le coup, de ne pas envoyer 4 ou 6 personnes, mais d'envoyer quasiment une centaine de personnes. Oui, mais il commence par le lanceur. Le construire le vaisseau vaisseau, ça c'est autre chose. Christophe Lasseur, l'un des autres grands problèmes que pose un voyage de cette durée, de cette distance, c'est celui du carburant. Le carburant, ça pèse lourd, il faut le protéger de la navette parce que ça peut exploser. Bref, ça pose un certain nombre de problèmes. Est-ce qu'aujourd'hui, on sait résoudre ce problème de carburant pour un voyage de cette durée-là, aller-retour ? Alors, question piège, je ne sais pas répondre à la question, pour être totalement franc avec vous. Alors, avant, je vais vous poser une autre question, puisqu'on en parlait tout à l'heure et c'est votre spécialité, c'est ce que vous faites à Mélissa. Le problème, effectivement, comment est-ce qu'on fait pour un voyage de 6 mois aller et 6 mois retour, sans parler du séjour sur place, on en parlera tout à l'heure, comment on fait pour nourrir, pour approvisionner un équipage, mettons de 6 personnes pendant 6 mois? Est-ce qu'on a aujourd'hui la technologie? Quelles sont les difficultés que cela pose? Alors, la difficulté, c'est la même que presque pour toutes les missions spatiales, c'est le poids. Hein. Il faut quitter la gravité terrestre et il faut réussir à embarquer toute cette masse en direction de Mars. Alors effectivement, la première solution, c'est celle qui est effectivement étudiée aujourd'hui par Elon Musk ou par NASA, c'est de faire des lanceurs plus puissants. Il y a une deuxième stratégie qui est un petit peu plus européenne, si je puis dire en plaisantant, qui est essayer de recycler. Donc on va essayer, notamment, et d'autres collègues travaillent aussi, d'autres agences, la Chine, le Japon travaillent aussi là-dessus, on étudie les technologies de support vie pour essayer de fournir l'eau, l'oxygène et la nourriture aux astronautes. Alors, il faut savoir qu'un humain, à peu près, hein, il consomme 5 kilos de consommables par jour, hein, qu'il soit sur Terre ou qu'il soit sur Mars. Ça change pas grand-chose au niveau masse. Ça, c'est le minimum juste pour rester en vie. Il faudra ensuite ajouter de l'hygiène, du confort et ainsi de suite. Mais le minimum, c'est 5 kilos. Donc, vous comptez 6 personnes pendant 1000 jours à peu près. Ben, vous êtes aux alentours de 30 tonnes uniquement pour les consommables métaboliques. Donc, si vous recyclez pas, ça fait des masses quand même très importantes et très coûteuses. Donc, on travaille sur ces technologies de système clos, hein, qui vont essayer de réutiliser les déchets de l'équipage pour avoir des cycles vertueux et reproduire ainsi de l'eau, de l'oxygène et de la nourriture. Et si vous considérez la nourriture, ben vous êtes obligé d'approcher les choses avec des plantes, des microalgues, enfin des organismes vivants. Voilà. C'est un des challenges de ces missions long terme, c'est effectivement la nourriture. Et aujourd'hui, les technologies précisément de recyclage, de culture de type hydroponique ou hors sol sont au point pour pouvoir tenir, je ne parle même pas des rayons cosmiques encore, mais en tout cas pendant 6 mois et approvisionner un équipage complet. Je sais qu'il y a plusieurs missions d'entraînement qui ont été faites, d'isolation d'un groupe de personnes dans l'espace, dont une pilotée par l'ESA et l'autre par la NASA. Est-ce qu'on sait aujourd'hui faire ça de manière certaine et efficace? Alors, je vais répondre en deux étapes. On sait faire produire des salades sur la Station Spatiale Internationale. Les Russes l'avaient déjà fait en premier sur Mir, mais pas à des quantités qui permettront de nourrir un équipage. Aujourd'hui, on est plutôt sur des micro-quantités, des micro-pourcentages du régime alimentaire. On va se situer aux alentours de 3 à 5%. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les surfaces qu'il faudrait utiliser sont absolument pas compatibles avec les capacités des véhicules spatiaux. Donc il est fort probable que sur la partie transit, hein, sa partie Terre-Mars, on aura un pourcentage de nourriture extrêmement réduit, mais on va se focaliser sur le recyclage de l'eau et de l'oxygène. La partie nourriture étant très réduite. Par contre, effectivement, à la surface de Mars, on peut se déployer de façon un peu plus, je dirais, facile, puisqu'on a de la surface, on a de la lumière, donc les conditions ne sont pas du tout les mêmes. Hein. Pour cultiver. Oui, absolument. François Vanger, un mot alors sur cette histoire de carburant. Parce que c'est un des gros enjeux, le carburant, pour faire l'aller et le retour. On parle évidemment de production de carburant sur place, sur Mars, pour ne pas avoir à emporter l'ensemble du carburant qui ferait faire le voyage entier. Oui, tout à fait. C'est ça qui a créé une petite révolution au début des années 90. Jusqu'alors, on envisageait de vraiment emmener tout le carburant pour l'aller et le retour. Et là, il y avait un effet boule de neige. C'est-à-dire que pour amener 1 kilo de carburant sur Mars, il fallait en prendre 20 depuis la Terre. Enfin, c'était extrêmement difficile. Donc, pour ce qui est de l'aller, je l'ai mentionné tout à l'heure, avec quelques lancements, 1 ou 2, 3 lancements d'une grosse fusée, on peut rassembler tout ce qu'il faut pour faire aller un bon vaisseau spatial sur Mars. Bien sûr, il faudrait que parallèlement soit envoyé peut-être un habitat, par exemple, une chose comme ça. Mais c'est vrai que la grande révolution intellectuelle, ça a été cette idée de récupérer le carburant sur place. Alors l'idée, elle est simple, c'est qu'on envoie, avant que les astronautes arrivent, on envoie à l'avance une espèce de fusée. Alors c'est pas facile, il faut qu'elle descende dans l'atmosphère, elle se pose, elle se prépare. Et si cette fusée est vide, donc elle est relativement légère, et grâce à de l'énergie, un petit réacteur nucléaire par exemple, eh bien elle va faire de la chimie en utilisant quelque chose de très facile à utiliser, l'atmosphère de dioxyde de carbone. Et grâce à des réactions avec des catalyseurs, un peu d'énergie, on parle de, par exemple de ce qu'on appelle la réaction de Sabatier, ou en photolysant le CO2, je ne vais pas entrer dans les détails, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut prendre le CO2, prendre le carbone, l'associer à de l'hydrogène. L'hydrogène, c'est très léger, on peut l'amener avec nous, ou on peut l'extraire de l'eau qu'on trouve sur place, et puis faire du méthane. On fait du méthane. Et puis, par ailleurs, l'autre partie du CO2, c'est O2, ça va faire de l'oxygène. Et ça, méthane plus oxygène, c'est un excellent carburant et comburant pour les moteurs fusées. Donc, voilà l'idée. Donc, ce qui est important, une des grandes idées qui est derrière ça, c'est d'envoyer la fusée à l'avance, que le carburant se prépare à l'avance. Et une fois que tout est prêt, une fois que la fusée a envoyé un signal à la Terre en disant « mes réservoirs sont remplis, tout va bien », là, on envoie les hommes. Voilà la grande idée qui était émise par quelqu'un qui est devenu un peu connu pour cela. C'est Robert Zubrin, un ingénieur privé qui est un peu un fou furieux de l'exploration de la NASA, le fondateur de la Mars Society, quelqu'un d'assez astucieux quand même, et qui avait fait une petite révolution. À l'époque, j'ai travaillé moi-même à la NASA. Il a fait une tournée des centres de la NASA et j'ai vu faire cette conférence. Cette conférence s'appelait le projet Mars Direct. Et j'ai vu une standing ovation comme rarement j'ai vu. C'est-à-dire que les ingénieurs de la NASA, ce type-là qui venait du privé, Lockheed Martin, Martin Marietta à l'époque, vraiment a épaté tout le monde. Enfin, de moteurs d'avion et de fusée. Oui, enfin, ils font beaucoup de choses. Mais vraiment a épaté tout le monde. Et il faut reconnaître ça, ça a enthousiasmé la NASA à l'époque. Alors ça, c'est un des points positifs et encourageants pour ce voyage. Néanmoins, Christophe Lasserre, vous le disiez tout à l'heure, il y a un certain nombre d'éléments, et notamment de biologie humaine, qui, eux, pour le moment, vont plutôt dans le sens inverse, notamment une étude assez récente qui date du 2 novembre, qui a été publiée dans The New England Journal of Medicine, et qui montre que l'effet des rayons cosmiques sur le cerveau humain est finalement beaucoup plus délétère que ce que l'on imaginait. C'est-à-dire que le problème, c'est que faire 6 mois de voyage dans l'espace, c'est bien, mais si en arrivant tout le monde est complètement neuneux, ça va pas servir à grand chose pour pouvoir repartir. Or, cette étude montre qu'effectivement les rayons cosmiques sont vraiment très délétères pour les neurones, ce qui pose là encore un certain nombre d'autres problèmes, c'est-à-dire comment protéger les astronautes de ces rayons cosmiques. Christophe Lasserre. Oui, je crois que c'est un des vrais challenges, c'est la protection contre les radiations. Une fois qu'on aura passé les ceintures de Van Allen qui protègent la Terre, et l'arrivée sur Mars, où effectivement, là, les conditions seront plus viables. Il n'y a pas 36 solutions pour se protéger des radiations. Malheureusement, on sait aujourd'hui que les protections actives, c'est-à-dire essayer de détourner les radiations au niveau engineering, c'est pas encore réalisable. Ça le sera peut-être un jour, mais ça paraît aujourd'hui énorme. C'est-à-dire que les quantités d'énergie qu'il faut pouvoir fournir pour se protéger et dévier ces radiations sont colossales. C'est-à-dire pour créer un champ magnétique autour du vaisseau, concrètement. Voilà, absolument. Au moins détourner une partie des radiations. Ça paraît aujourd'hui pas faisable. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faudrait emmener de la masse pour pouvoir protéger les astronautes durant la mission. Mais de la masse, c'est exactement ce qu'on voudrait éviter. Donc là, il y a encore un challenge, et c'est probablement un des intérêts principaux de la mission 6 lunaire, dont je parlais au début, cette mission en proximité de la Lune, où on est dans des conditions d'exposition à radiation assez proches de celles de la phase de transit vers Mars. Et là, effectivement, on peut étudier, exposer des organismes vivants, pas forcément humains, mais des organismes vivants pendant quelques temps, aller les chercher, faire une recherche qui nous permettra de progresser dans cette direction. Il faut savoir qu'aujourd'hui, au sol, on ne sait pas recréer le spectre complet des radiations spatiales. Donc, on a besoin de quitter la Terre pour pouvoir être dans un environnement qui nous permette de faire une bonne recherche. François Forget. Oui, c'est cette histoire de radiation, pour nos auditeurs qui éventuellement s'intéressent déjà à ce problème, c'est une histoire compliquée, au sens où, si on calcule bêtement le taux de radiation reçu en sieverts ou en, je sais pas quoi, reçu par les astronautes, au premier ordre, ça paraît pas énorme. C'est-à-dire que en théorie, un voyage aller-retour sur Mars, d'après les mesures que l'on a, c'est l'équivalent de ce que la loi autorise pendant une vie professionnelle. Donc on se dit, bon, ça va. Puis, il y a quand même beaucoup d'astronautes qui ont fait des longs séjours, qui ont été donc quand même dans l'espace, alors un peu protégé par la ceinture de Van Allen, mais il n'y a pas encore de problème évident. Oui, parce qu'il faut rappeler que la station spatiale internationale à 400 km, on est encore dans le champ magnétique terrestre, relativement protégé. Oui, on est pas mal protégé, mais malgré tout, on reçoit plus de dosage que sur Terre. Et là où ça devient compliqué, et c'est là où, comme tous les amateurs de ce projet martien, disons, j'ai pu m'intéresser au sujet, m'asseoir dans des conférences entre spécialistes, dans les conférences conférence dédiée à ce projet-là, eh ben il y a un débat incroyable. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui était évoqué à l'instant, le spectre, les radiations qu'on reçoit, on a du mal à ça ressemble pas exactement. En fait, très simple, c'est pas pareil de recevoir beaucoup de quelques particules extrêmement énergétiques que plus de particules moins énergétiques, donc avec la législation de la petite sphère. Bref, on ne sait pas si ça marche. Et il y a un débat fou parce que certains spécialistes vont dire ouais, ça va poser des gros problèmes cérébraux, les cancers vont être irrémédiables, etc. Et puis d'autres spécialistes qui pourraient être là aujourd'hui autour du micro diraient mais pas du tout, c'est n'importe quoi, c'est un faux dragon entre guillemets, ce n'est pas un problème. Il faut préciser juste pour les auditeurs que l'expérience dont je parle, c'est une expérience effectivement qui a été recréée sur des tissus cérébraux, sur Terre, dans des conditions très particulières. En toute sincérité, cette expérience-là, je pense qu'elle est assez loin de la réalité. Alors et d'ailleurs, je le dis pas moi en tant que spécialiste, mais en lisant ce que les spécialistes immédiatement ont dit sur cette idée-là, sur cette expérience. Alors voilà, c'est un sujet un peu ouvert et évidemment très difficile à traiter puisque on va pas mettre des cobayes, on va pas exposer des cobayes humains à cette chose-là. Sauf que c'est vrai, avec une station en orbite autour de la Lune, on va quand même faire progresser cette enquête-là, parce que là, on sera plus protégé. Pour dire en deux mots quand même une petite subtilité, parce que c'est un vrai souci. Majeur, on va dire, en termes de biologie, c'est le souci majeur, même si on va évoquer les quelques autres, mais celui-là, c'est vraiment. Et là, on peut distinguer deux problèmes. Le premier problème, c'est ce qui vient du Soleil, lorsqu'il y a des fortes éruptions solaires. Ça arrive de temps en temps, pas si souvent que ça, mais il existe certaines éruptions solaires, une activité solaire comme ça, très forte, qui envoie une dose de protons et d'autres radiations, et qui peuvent être très dangereux. Mais la bonne nouvelle, c'est que là, il suffit de mettre le réservoir d'eau bien placé dans le vaisseau spatial, d'alerter les astronautes en disant attention, planquez-vous. Ils vont se mettre derrière les réservoirs d'eau et normalement l'eau, très riche en hydrogène bien sûr, a des capacités très très efficaces pour stopper par exemple ce flux de neutrons. Donc ça, c'est une première chose. Sachant que si on ne les protège pas, là le danger peut être mortel au point qu'on peut mourir en quelques heures de brûlure, littéralement. Donc il faut prévoir ça. Et puis d'autre part, l'autre problème, c'est les radiations cosmiques qui viennent un peu partout, de la galaxie, voire d'ailleurs, plein de particules très énergétiques, des noyaux d'hélium, et puis beaucoup de protons extrêmement rapides, extrêmement énergétiques. C'est cela qu'on a du mal à prendre en compte médicalement. Et c'est cela pour lequel il est très difficile de se protéger pendant le trajet. Mais quand on sera autour de la Lune, on ne sera pas beaucoup plus protégé que pendant le trajet Terre-Mars. Oui. Et donc, on va apprendre beaucoup à ce moment-là. Un mot encore rapidement sur les évolutions biologiques d'un aussi long trajet, d'un aussi long séjour dans l'espace. On parle aussi des problèmes liés à la densité osseuse. On sait que les séjours, des longs séjours dans la Station Spatiale Internationale en microgravité font que la densité osseuse diminue. On parle aussi des problèmes de troubles de la vue. Est-ce que ces problèmes sont surmontables, Christophe Lasseur, ou est-ce que pour le moment, là aussi, c'est des éléments qu'on a du mal à appréhender ? Quand j'écoute mes collègues physiologistes, j'entends pas de points bloquants. J'entends qu'il y a encore beaucoup de recherches à faire. Effectivement, vous l'avez mentionné, il y a des problèmes ophtalmiques importants. Il y a l'efficacité musculaire, effectivement la perte musculaire qui fait que les activités sont réduites, mais toutes ces choses paraissent, je dirais, apportées de la recherche. Il n'y a pas vraiment de point totalement bloquant, et la Station Spatiale Internationale a apporté beaucoup. Après, il y a quand même quelque chose qu'on ne maîtrise pas encore bien aujourd'hui, c'est la partie microgravité pendant la phase de transit, la partie gravitaire, même si elle est réduite à la surface de Mars. Pour rappeler, la gravité sur Mars par rapport à la Terre, c'est 0,6 Oui, 0,37 si ma mémoire est correcte. Ouais. Donc, et après, effectivement, il y a la phase de retour. Mais l'arrivée à la surface de Mars, il faut que notre astronaute, entre guillemets, il puisse être actif. Et là, effectivement, il y a toute une phase d'entraînement de ce qu'on appelle les contre-mesures qu'il va falloir étudier et mettre en place pendant la phase de transit, de façon à ce que l'astronaute puisse être actif dès qu'il arrive à la surface de Mars. Et ça, c'est difficile. C'est difficile aussi, pourquoi ? Parce que le véhicule de transfert, probablement qu'il sera relativement réduit en taille. Si vous regardez les capsules qui existent aujourd'hui, même les capsules en projet type Orion, on voit que les volumes sont extrêmement réduits. Donc déployer tout un laboratoire de recherche ou un laboratoire d'entraînement, c'est aussi quelque chose de difficile. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Il est 16h45 et nous sommes arrivés sur Mars enfin, au terme d'un voyage de 6 mois. Nous sommes arrivés sur Mars avec plusieurs options là aussi. Il y a l'option d'un véhicule qui se pose et qui redécolle de la planète, François Forget, ou l'option d'un véhicule orbital avec un module qui se détache. Il y a même une première option dont je suis assez fan, que je pousse un petit peu. C'est pour la première mission, c'est de simplement se mettre en orbite autour de Mars. Pourquoi ? Parce que descendre sur Mars et en redécoller, c'est extrêmement difficile. Ça va consommer énormément de moyens et d'ingénieurs pour faire ce développement-là. Dans un avenir plus proche, on pourrait donc envoyer des gens en orbite autour de Mars, ce qui est une mission quand même assez séduisante parce que, évidemment, vous allez me dire à quoi ça sert. C'est assez séduisant parce que d'une part, on peut aller accoster et explorer les lunes de Mars, les petites lunes Phobos et Deimos, avec des objectifs scientifiques intéressants. Et puis surtout, on pourra piloter en temps réel, radiocommandé si vous voulez, des robots à la surface. Actuellement, on a des robots à la surface de Mars, mais alors, le signal radio aller met 10-20 minutes à l'aller, 20 minutes retour pour recevoir l'image, pour savoir ce qu'il fait. Bref, tout est très très lent. Tandis que si on pouvait les commander en temps réel, on pourrait, avec les progrès de la robotique, faire des espèces d'avatars fantastiques qui pourraient quand même pas mal travailler à la surface. Et je pense que c'est assez séduisant. Bon, ça c'est, j'ai un peu botté en touche à votre question. Pour le reste, bien sûr, on a la plupart des... Alors il y a plein de scénarios, vous l'avez dit, vous l'évoquez. Il y a pas mal de scénarios de mission, il y en a régulièrement des nouveaux qui sont publiés dans les revues spécialisées. Le scénario de référence typique, c'est quand même avec un engin... le vaisseau spatial principal qui reste en orbite, et puis on descend à la surface dans une plus petite capsule pour ensuite rejoindre un habitat qui aurait été placé à l'avance. Mais l'option directe existe aussi. Un habitat qui aurait été placé par des missions précédentes, oui, par des fusées autonomes. Toujours, les projets de missions humaines se basent pas mal sur des missions robotiques, en utilisant d'ailleurs des propulsions, on l'a pas évoqué tout à l'heure, électriques, un peu plus lentes, mais plus efficaces, mais pas adaptées pour les humains, parce que les humains n'ont pas envie de mettre 2 ans pour rejoindre Mars, mais pour les robots, pour les cargos, c'est très bien. Donc on peut envoyer du cargo plus facilement. Donc je vous l'ai évoqué tout à l'heure, une fusée qui va se poser à l'avance, qui va remplir ses carburants, et puis on peut envoyer un habitat à côté, au moins ce qu'il faut, pour que les hommes, eux, puissent descendre dans un engin plus petit, plus facile à développer et plus sûr pour eux. Une question que je ne vous ai pas posée ni à l'un ni à l'autre sur un objectif, sur une équipe, un équipage de 4-6 personnes, l'équipage idéal c'est quoi ? C'est un pilote, un médecin, un planétologue ? Est-ce qu'il y a des configurations idéales ou est-ce que finalement on prend des astronautes formés à tout et polyvalents pour tout, Christophe Lasser ? Alors il y a beaucoup d'études qui ont été faites, notamment par l'ESA, sur l'équipage idéal, lors de campagnes d'isolation. Et effectivement, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a un équipage idéal formé. La seule chose qui est relativement claire, c'est qu'il y aura un médecin. Il y a un certain nombre d'équilibres à trouver, notamment l'équilibre homme-femme, qu'il va aussi falloir considérer. Et ces genres de choses sont actuellement en phase d'étude, notamment avec des campagnes d'isolation, des bed rest. On pense notamment aux activités qui sont faites aussi à Concordia, en Antarctique, où on a effectivement des personnes qui sont isolées. Et on essaie d'avoir une meilleure prédiction des comportements psychologiques. Pour la zone d'atterrissage ou d'amarcissage, c'est retourner à un endroit qu'on a déjà connu, qu'on a déjà exploré avec un rover, ou au contraire, finalement, bénéficier de la bonne connaissance que l'on a aujourd'hui de Mars et de ses climats, parce que la météorologie que vous étudiez, François Forget, est aussi importante, fait qu'on ira dans une zone inexplorée plutôt ? Oh, ça, c'est, je pense pas. Hein. Ce serait, enfin, je n'ai pas d'avis, en fait. C'est vrai que depuis l'orbite, on a pu cartographier avec détail une partie de la surface de Mars. On a des projets à l'avenir d'améliorer encore cette cartographie, par exemple en cartographiant les dépôts de glace dans le proche sous-sol, ce qui serait comme une bonne chose. Ce serait parfait de pouvoir se poser à un endroit à quelques centaines de mètres d'une pente sur laquelle, sous quelques centimètres de sable, il y aurait de la glace pure. Et il se trouve qu'une bonne partie de Mars est recouverte de ce genre de surface. Ce serait quand même une très bonne chose, même si la glace à moins 40 degrés est assez dure à creuser et à récupérer. Mais enfin, ce serait quand même une très bonne ressource. Ensuite, le choix du site d'atterrissage, surtout dans un premier temps, se fera essentiellement avec des critères de sécurité et de ressources sur place. Il y a eu plein de conférences sur une réflexion sur le site d'atterrissage. Il y a plein d'arguments qui s'entrechoquent. A priori, on enverra les humains là où c'est le plus sûr pour commencer, quoi. Comment sur place, donc on parle, hein, vous l'avez dit, d'envoyer des fusées avec des modules d'habitation, etc. Néanmoins, sur place, il faut penser à pouvoir se déplacer aussi. Ça veut dire que forcément, dans l'atterrisseur, il y a aussi un petit véhicule qui permet de se déplacer, ou c'est encore trop de poids, ou est-ce qu'une fois qu'on est sur Mars, il faut tout faire à pied ? Non, certainement, mettre un rover comme sur la Lune, ça a été fait pour Apollo 15, 16 et 17, c'était quand même vraiment très efficace. Et bien sûr, ce sera, je pense, le cas sur Mars, au moins pour les, peut-être pas pour la toute première mission, et encore, je pense que ce sera le cas. Un rover même pressurisé, dans lequel c'est, les scénarios classiques prévoient un rover donc dans lequel, sur lequel les astronautes n'ont pas besoin d'être en scaphandre. Donc c'est comme dans Seul sur Mars, tout simplement, on l'a tous vu, ça, enfin certains d'entre nous. Et voilà le scénario typique, ouais, il faut un engin pour se déplacer, ne serait-ce que pour pouvoir aller, on n'est pas sûr de pouvoir atterrir exactement à côté de là où il y aura, on aura déposé à l'avance du cargo, donc peut-être il faudra un rover pour aller le chercher. Mais tout est possible, il y a beaucoup de travaux très sérieux et en même temps très divers qui existent sur tout ce qu'on doit emmener à la surface pour faire vivre. L'image qu'il faut avoir, hein, c'est une espèce d'habitat. C'est un monde très poussiéreux, Mars. Beaucoup de poussière à la surface. Sur la Lune, c'était déjà un problème. Sur Mars, ce sera peut-être encore plus gros problème. Donc, faudra gérer au jour le jour toutes ces poussières qui vont, disons, abîmer le matériel, rendre les joints moins étanches, des choses comme ça. C'est un monde sur lequel, encore une fois, il faut sortir en scaphandre. Donc, il faut des sas. Il faut aussi un habitat qui soit toujours surgonflé, ce qui est un risque important. La moindre porte est susceptible de dès que vous avez une petite fragilité, bah ça risque de, les pressions sont énormes, les gradients de pression sont énormes, et ça va être plein de sources de difficultés. Et là encore, on le voit dans le film Seul sur Mars que vous évoquiez. Voilà des choses qu'il faut imaginer, toujours dans des choses gonflées comme des pneus, beaucoup de poussière partout. Une météo pas très clémente, hein, des tempêtes, des tempêtes qui peuvent être assez violentes. Alors, des tempêtes assez violentes, mais il faut rappeler que la pression sur Mars, c'est presque 100 fois plus faible que sur Terre. Résultat, même lorsque vous avez une tempête avec un vent, les vents à la surface montent facilement jusqu'à plus de 100-150 km/h, enfin facilement, pas plus souvent que sur Terre, mais assez. En gros, pour soulever la poussière, il faut des vents à peu près à 130 km/h pour vous donner à hauteur d'homme, pour vous donner une image. Il y a régulièrement de tempêtes de poussière, donc il y a régulièrement des vents à 130 km/h. Malgré tout, même un vent à 130 km/h, vu que la densité de l'atmosphère est bien moindre, eh bien dans votre scaphandre, vous n'allez pas ressentir grand chose. Alors vous allez avoir un petit criblage, vous allez ressentir toutes ces poussières qui volent, qui font quelques microns au maximum. Vont cingler votre visière, mais c'est pas plus dangereux que ça. Donc le vent lui-même, les poussières, ça va pas être un problème, sauf que la poussière, encore une fois, va s'infiltrer partout, va diminuer le flux solaire, ça va vous embêter pour vos panneaux solaires, et voilà le genre de problème que pose essentiellement cet environnement au niveau météo. Une question finalement assez simple. Pourquoi envoyer des êtres humains sur Mars ? Dans quel but scientifique que les rovers, que les missions actuelles, que les satellites, Christophe Lassner, ne nous aient pas déjà appris ? Ouais, les études qui ont été faites jusqu'à maintenant montrent que même avec des rovers extrêmement sophistiqués, même avec des possibilités de contrôle extrêmement importantes, on n'a jamais la même flexibilité, on n'a jamais la même capacité que l'humain. C'est notamment démontré avec les plongeurs de la COMEX, hein, qui avaient travaillé sur ce genre de difficultés. Donc, une des raisons, c'est effectivement de pouvoir faire une recherche plus efficace à la surface de Mars. Il y a une autre raison quand même aussi, qui est peut-être un peu moins annoncée, c'est que la recherche spatiale, c'est une recherche intégratrice. C'est-à-dire que si vous voulez aller sur Mars, il va falloir mettre autour de la table des ingénieurs, des scientifiques, de toutes les spécialités existantes. Il va vous falloir des spécialistes du traitement d'eau, il va vous falloir des gens de propulsion, des gens de télécommunication, des gens de robotique, des gens de chimie analytique, des mathématiciens, des cuisiniers. Et tout ce monde-là, ça apporte énormément. Et c'est quelque chose qui n'est pas toujours mis en évidence, et je le regrette. Oui. François Forget. Oui, pour ma part, j'ai envie d'être clair. Moi, je suis chercheur spécialisé dans l'exploration du système solaire, c'est ma passion. Et malgré tout, l'exploration humaine, soyons clairs, on n'y va pas pour la science. C'est difficile de justifier ces budgets très importants, des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros, milliards de dollars, dans un projet comme ça. J'aurais du mal à justifier ça par rapport à certains de mes collègues qui étudient la physique ou la science de la médecine. Évidemment, c'est des budgets trop importants. Malgré tout, je reste favorable à une mission comme ça. Je sais bien qu'on n'aura pas ces centaines de milliards de dollars pour envoyer des robots à la place de toute façon, parce que l'exploration humaine, c'est autre chose. C'est une volonté partagée, une aventure extraordinaire, et comme beaucoup de contributeurs aux États-Unis et en Europe, eh ben, nous sommes beaucoup à être d'accord pour mettre quelques euros de notre poche pour que de manière notre communauté envoie des ambassadeurs vivre cette aventure pour le prix d'un ou deux films au cinéma. Bah, on va regarder des amis, des êtres humains explorer Mars, une aventure extraordinaire. Cela dit, il faut aussi reconnaître qu'une fois qu'on envoie ces hommes, sans justifier cet envoi par la science pure, ces hommes pourront faire des sciences qu'on peut difficilement faire avec des robots. Je vais donner un exemple. Une des grandes questions sur Mars, c'est y a-t-il encore de la vie ? La surface est extrêmement stérile parce qu'on pense qu'il n'y a pas d'eau liquide à la surface, pour faire simple. C'est mon opinion en tout cas. Donc s'il n'y a pas d'eau liquide à la surface, la vie telle qu'on la connaît ne peut pas fonctionner. Par contre, dans le sous-sol martien, on peut envisager qu'il y ait des nappes aquifères, disons des pores remplis d'eau liquide, et sur Terre, dans un environnement équivalent, il y a des bactéries, il y a une vie active. Donc on n'a qu'une envie, c'est d'aller voir. On a envie de faire par exemple un forage. Il faut forer à 3000 mètres de profondeur. Avec des robots, je ne sais pas comment on fait ça. Peut-être qu'avec des humains, on pourrait faire un forage à 3000 mètres de profondeur, récupérer des échantillons et vraiment mener une vraie enquête sur la vie martienne. Est-ce que ça vaut 200 milliards de dollars ? Je ne sais pas, mais si on envoie des hommes, autant le faire. Et alors pour conclure, dernière question, parce qu'on parle du coût économique, mais on peut parler aussi du coût humain. On sait que ces aventures spatiales sont dangereuses. Un voyage sur Mars, il y a de multiples risques. Le redécollage, n'importe quel petit grain de sable qui vient se mettre dans cette mécanique-là peut mettre en péril la vie de plusieurs personnes. Comment est-ce qu'on gère ça de manière philosophique ce risque-là, François Forget, de voir disparaître un équipage après avoir mis et investi des milliards de dollars dans une mission martienne ? À mes yeux, ce n'est pas un problème nouveau. C'est-à-dire que déjà, les astronautes prennent des risques. Ils ont pris des risques considérables dans les années 60. Et ils en prennent encore beaucoup. Honnêtement, c'est dangereux. Hein. Et puis, toute l'histoire de l'exploration est remplie de choses extrêmement dangereuses avec des volontaires. Vous avez tous les ans des gens qui vont mourir sur le K2, voire sur l'Everest. Et donc, c'est un risque. Et je crois que si on discute avec la plupart des astronautes, ils seront d'accord en sachant que les agences spatiales vont faire le maximum pour assurer leur sécurité. Il y aura des volontaires pour faire ce voyage, bien sûr. Christophe Lasseur, sur ce thème, en un mot pour conclure. Oui, c'est la grande différence entre l'approche des organismes publics et puis les organismes privés. Quel est le niveau de risque qu'on peut accepter quand on représente un État, l'Agence spatiale européenne, le CNES, la NASA, et puisque les initiatives privées peuvent se permettre de prendre, puisqu'effectivement elles ont moins ce problème d'éthique. Merci beaucoup à tous les deux, Christophe Lasseur. Merci à nos camarades de France Bleu Normandie à Caen qui ont rendu le duel explosible. Merci beaucoup, François Forget. Vous pouvez réécouter cette émission, la retrouver en intégralité sur le site franceculture.fr et bien sûr, comme chaque jour, sur notre fil Twitter, @laméthodefc. Et merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Nomine Naguet de Saint-Vulfrance et une Lausanne. Bienvenue à Sarah Ijmans, à la réalisation aujourd'hui Milena Helig, et Julien Calvaz à la technique. Allez, en deux mots, la suite de vos aventures sur France Culture. Deuxième épisode de la série documentaire consacrée à quatre expériences de retour à la nature. C'est dans quelques minutes après le flash. Et puis tout à l'heure, après le journal de 18h dans le grain à moudre, Hervé Gardette demandera à ses invités si la hausse de la CSG est l'impôt qui cache la forêt. Pour ce qui nous concerne demain, nous parlerons des super ordinateurs, ces calculateurs les plus puissants du monde. Où sont-ils ? À quoi servent-ils ? Et comment évoluent-ils ? À demain, 16h, jusqu'à preuve du contraire.